Et bienvenue sur Libre Débat. Est-ce qu'on commence avec un problème technique? Vous m'entendez? Ouais. Ok. Et ben du coup, bienvenue sur Libre Débat, qui est du coup une émission qui va durer de 4h30 à 6h aujourd'hui, qui est une émission qui est tous les mercredis. Donc là, on commence avec on va dire une émission particulière de Libre Débat, dans le sens où ça va être. Tous les premiers mercredis du mois, Libre Débat héberge une émission sur l'histoire des luttes autonomes en Italie depuis l'après-guerre, donc 45 pour les gens qui ont oublié à quel moment il y a eu une guerre mondiale. Ça arrive. Moi, j'étais pas né, par exemple, du coup, ça arrive de pas s'en souvenir. Du coup, à partir de 45 et pour remonter tout le long des années 50, 60, et donc pour arriver aux luttes des années 68, 69 et les années 70, les fameuses années de plomb. Et du coup, tout son lot de fantasmes qui se sont créés autour des brigades rouges, autour des luttes radicales, mais aussi des mouvements, on va dire, existentiels, culturels, de tout le rock'n'roll, et de comment est-ce que les gens se retrouvaient sur la place. Et du coup, ça va être une histoire qui va croiser l'antifascisme, les manifestations, les déconstructions les plus diverses et variées, les affrontements de rue, les engueulades parce qu'on va pas être d'accord. Et un peu tout ça. Et on va essayer aussi de faire une panoramique un peu sur tout ce qui s'est passé dans ces années-là, en fait, au niveau des cultures, au niveau des musiques, au niveau des littératures, surtout au niveau des luttes sociales qui se sont développées pendant ces années-là. Et si on aura du temps, on arrivera jusqu'aux années 80 ou 90, parce qu'il y a des luttes qui se sont développées aussi après les fameuses années de plomb et les luttes des années 70, la lutte a continué. En fait, on espère arriver aussi aux années 2000, mais ça, on verra au cours du temps, s'il nous reste suffisamment de temps. Et pour l'instant, on va commencer, je dirais qu'on peut commencer par une belle chanson. On vous assure qu'on n'a pas fait exprès à choisir la chanson qui nous a introduit. Mais là, c'est nous qui l'avons choisi, et ça, c'est Stalingrado. Rossa. Et voilà, donc c'était une chanson qui s'appelle Stalingrad. Mais pourquoi est-ce qu'on décide de passer une chanson qui parle de Stalingrad alors qu'on est censé faire une émission sur l'Italie ? Eh ben, si tu veux nous expliquer ça. Eh ben, on part de la guerre, d'un épisode clé de la Deuxième Guerre mondiale, donc de la première grande défaite des armées nazies et fascistes en Russie. Et donc, on a choisi de partir de là, de la fin de la Deuxième Guerre mondiale, avec tout ce que ça a voulu dire aussi en termes de lutte interne. Donc voilà, à l'Italie, on va le retrouver. Et donc comment ces deux luttes, en fait, elles sont indissociables, une lutte entre pays. Mais là, ce qu'on va affronter, ça sera voilà, justement des luttes sociales à l'intérieur de l'Italie et des luttes sociales qui sont incompréhensibles. Si on ne repart pas de là, si on ne repart pas de ce double effet, en fait, de ce contenu en termes de lutte sociale et du symbole qui a été Stalingrad, qui a été le communisme, qui a été tout l'après-guerre. Et donc, comme on a fait un choix, et voilà, justement, ce choix, on aurait pu partir de beaucoup plus loin ou de beaucoup plus près. Mais voilà, nous, on a décidé de commencer cette émission par là. Et donc voilà, là on va voir justement, est-ce qu'il y a eu un après-guerre ? Et là, il y a un texte très intéressant de Wooming, un groupe de collectif italien qui va nous être lu en italien et en français. Et voilà, donc Roberto, est-ce qu'il y a un après-guerre ? Qu'est-ce qu'il dit ce texte ? Non c'è nessun dopoguerra. Gli stolti chiamavano pace il semplice allontanarsi dal fronte. Gli stolti difendevano la pace sostenendo il braccio armato del denaro. Oltre la prima duna gli scontri proseguivano. Zanne di animali, chimerici affondate nelle carni, il cielo pieno d'acciaio e fumi, intere culture estirpate dalla terra. Gli stolti combattevano i nemici di oggi foraggiando quelli di domani. Gli stolti gonfiavano il petto, parlavano di libertà, democrazia, qui da noi, mangiando i frutti di razzie e di saccheggi. Difendevano la civiltà da ombre cinesi di dinosauri. Difendevano il pianeta da simulacri di asteroidi. Difendevano l'ombra cinese di una civiltà. Difendevano un simulacro di pianeta. Il n'y a pas d'après-guerre. Les idiots appelaient paix le simple éloignement du front. Les idiots défendaient la paix, soutenant les bras armés de l'argent. Derrière la première dune, le combat continuait. Croque d'animaux chimériques enfoncés dans les chairs, ciel plein d'acier et de fumée, des cultures entières extirpées hors de terre. Les idiots combattaient les ennemis d'aujourd'hui en forgeant ceux de demain. Les idiots bombaient les torses. Ils parlaient de liberté, de démocratie, d'ici chez nous. Se repassant des fruits des razzias et des pillages. Il défendait la civilité d'ombres chinoises des dinosaures. Il défendait la planète des simulacres d'astéroïdes. Il défendait l'ombre chinoise d'une civilité. Il défendait un simulacre de planète. Et voilà, c'est un peu comme les Wooming, ils expliquent la pré-guerre. Ça, c'est un extrait d'un bouquin 54 qui parle un peu de la pré-guerre en Italie. Elle est spécifique à Bologne. C'est un bouquin qu'on vous conseille de lire parce que il y a des passages, en fait, aussi sur Marseille. Et voilà, et il parle un peu du sentiment de l'après-guerre, ce qu'on voulait, on me revient traiter aujourd'hui, parce que les leçons d'échec, en fait, des anciens partisans qui se sont un peu trahis par ce qui s'est passé l'après-guerre. On va parler aujourd'hui de l'amnistie des fascistes après la guerre. On va parler aussi des procès de pacification sociale qu'il y a eu après la Seconde Guerre mondiale et aussi l'épuration des anciens partisans qui ils ont été punis juste pour avoir essayé de défendre leur pays pendant la guerre. Et on va aussi voir que ça, c'était pas du tout une spécificité italienne, dans le sens où en Italie, comme ça a pu être le cas en France pour la même période ou en Allemagne, On a, après la fin de la guerre, heureusement, les méchants nazis, les méchants fascistes avaient perdu et les gentils démocrates du front occidental de la France, où tout le monde était des résistants, évidemment, de l'Amérique, où tout le monde était des libérateurs. Et tout le monde, à partir de ça, a voulu essayer de... En fait, le mécanisme politique entre le passage d'un régime dictatorial ou totalitaire à la tentative de réinstaurer un régime républicain ou démocrate, ou on peut l'appeler comme on veut, on va voir que le mécanisme politique de donc, ce qu'on appelle la transition démocratique, c'est un peu toujours la même. C'est-à-dire qu'on a fait des grands appels à la réconciliation. En France, ça a été hyper caractéristique après la chute du régime de Vichy et tout ça, de dire qu'absolument tout le monde était résistant. Et donc, ce qui est absolument faux. Et du coup, pourquoi est-ce qu'on parle de ça? C'est parce que non seulement on a envie d'essayer de faire un genre d'histoire, effectivement, de l'Italie et des luttes autonomes en Italie, mais voir comment est-ce qu'on peut essayer de comprendre ces luttes-là, comment on peut essayer de comprendre cette histoire-là, pour en tirer un peu de mémoire politique de comment se sont passées les choses. Et donc, pour ça, pour se parler de ce phénomène de transition démocratique, on va parler pas seulement de l'après-guerre, et du coup de la chute de Mussolini, de la chute d'Hitler et de la chute de Pétain, mais aussi par exemple des années 70 en Espagne avec la chute de Franco, de l'année 90 au Chili de Pinochet, et essayer de voir un peu comment ce mécanisme politique-là se répète absolument toujours, et comme ça pourrait éventuellement se reproduire parce que les ficelles sont grosses, mais si on n'arrive pas à voir les ficelles, on retombe dans les pièges. Et oui, on voit... un changement superficiel, un changement de régime, parce qu'il faut le rappeler, l'Italie jusqu'en 1946 était une monarchie constitutionnelle. Donc il y a une république qui s'instaure à partir du référendum de juin 1946. Mais on voit, et c'est double lecture toujours, un certain nombre de continuités dans l'application. Il y a... dans l'application des lois, donc le maintien des préfets, des sous-préfets, des autorités de police qui avaient pendant 20 ans dirigé l'ordre public sous le fascisme et qui se retrouvent pratiquement de manière totale, sauf quelques très très rares exceptions, confirmés à leur poste. Et c'est donc ça qui porte après à... avoir la déception des partisans, des maquisards qui avaient pendant des années, des hivers, fait une résistance qui, et là aussi c'est important, je pense, de le rappeler. Peut-être on appelle notre correspondante dans les années 40 pour qu'elle nous parle du contexte italien. Oui. Avant qu'il soit trop tard. Du coup, on attend que les années 40 nous appellent au téléphone, s'il vous plaît. Bon. En attendant, on va dire un peu les chiffres là dont tu parlais. Il faut savoir que sur l'épuration ratée, en 1960, il y a encore, sur les 64 préfets de première classe qui ont été instaurés ou qui étaient en place sous Mussolini, il y en a encore 62 qui sont en poste. Du coup, on parle de 15 ans après la libération. Donc 62 des 64 préfets de première classe, 241 vice-préfets sur les 241 qui étaient en place, 135 questeurs sur les 135 questeurs qui étaient en place, et 139 vice-questeurs sur les 139 qui étaient en place. Du coup, on peut considérer que c'est un genre d'épuration un peu manqué. Donc après la libération, il y a 43 000 personnes qui passent en procès pour la collaboration. Du coup, en France aussi, il y a eu plein de trucs comme ça. En Allemagne, il y a le procès de Nuremberg et tout, mais on va en reparler. Et il faut savoir qu'il y en a, il y a une énorme amnistie dans les années d'après. Et que 7 ans après, en 1952, il n'y en a plus que 266 sur les 43 000 qui sont en prison. On me fait signe qu'il faut qu'on passe une chanson. Vous avez envie d'écouter quoi? Moi, j'ai des chansons qu'on s'était dit. On peut mettre... je sais pas... Allez, un peu d'entrain. Allez. C'est à toi de choisir. Je sais pas moi. Bref, peu importe du coup, mais il faut savoir que du coup ce chiffre de 266 fascistes en prison, 7 ans après la chute de Mussolini, c'est à peu près le même nombre de gens qui restent en prison, 30 ans après, ce dont on parlera dans une autre émission dans un certain nombre de mois. Et après 30 ans après l'épisode de la lutte armée, où il y a là aussi une 40 000 personnes arrêtées à peu près. Ah, on nous appelle, je réponds tout de suite. Allô ? Oui, allô. Ah, bonjour. Comment ça va les années 40 ? Les années 40. Alors, les années 40, je voulais juste suggérer d'écouter une chanson qui s'appelle Par contre, La ballade de l'ex. Est-ce que tu peux baisser un peu ta radio ? Est-ce que ? Tu peux baisser un peu ta radio ? Oui, je l'ai entendu. Merci. Bah, c'est bon. Mais on pourra l'écouter après. Je voulais suggérer d'écouter cette chanson qui s'appelle La ballade de l'ex, La ballade de l'ex, qui est justement une chanson qui parle de ce qu'on appelle la résistance trahie, dont je vais parler là, mais on pourra l'écouter après. C'est une chanson de Serge Endrigo. Alors, disons qu'après, au cours de la résistance, en Italie, la plupart des partisans et de ceux qui les avaient tenus et côtoyés, même si on sait bien que parmi les partisans, il y avait les communistes, il y avait des anarchistes, mais il y avait bien sûr également des catholiques, par exemple des chrétiens. Mais pourtant, la plupart des gens n'avaient pas que rêvé la fin du fascisme, mais également une transformation en sens révolutionnaire du pays et surtout, à la base, une amélioration de leurs conditions sociales. Mais une fois la guerre finie, la déception vis-à-vis de cette transformation manquée était un sentiment qui était absolument répandu. Et c'est ça qu'on appelle la résistance trahie. Ça, avec tout ce qu'on a dit par rapport au fait qu'il n'y a pas jamais eu une vraie épuration des fascistes, alors que dans l'après-guerre, plusieurs partisans ont été inculpés et plusieurs partisans ont été arrêtés et jugés aussi sur la base des délits, des crimes communs. Alors que plusieurs fascistes ont été par exemple épargnés pour absence de preuves. Il y a par exemple un cas de un qui avait été inculpé d'aide dans le transport des juifs envers les champs de concentration, alors qu'il n'y avait pas des preuves, donc il a pu être inculpé, mais c'est un peu difficile de repérer les preuves, vu le destin des gens qui l'a dû en aider. Et donc, cela dit, quelle est la situation? Donc, la guerre finie, même si les forces qui vont composer le nouveau arc costumé, donc les communistes, les socialistes et aussi les catholiques, ils vont bien sûr faire un appel à rendre les armes qui avaient été utilisées au cours de la résistance. Et ben là, la plupart de ces armes ne viennent pas du tout rendues de la part des gens, pour expliquer comme ces sentiments de quelque chose d'inachevé était fort. Tant qu'on dit que dans ce moment en Italie, sous la terre, il y avait plus d'armes que des pommes de terre. Ça, c'est ce qu'on dit pour parler de cette période. Et c'est juste que ça se cuisine pas pareil, mais sinon, les pas. C'est juste que ça se cuisine pas pareil, mais sinon, c'est. Non, ça marche pas mal. Et donc, par rapport à ce qu'on a entendu dans les poèmes qu'on a lu de Winning, une autre chose, c'était que l'Italie, c'est un pays. Où la plupart des gens vivaient dans des conditions d'une extrême pauvreté. Et il y avait aussi un très fort déséquilibre entre le nord et le sud, par exemple. Et la guerre finie, dans le sud, il est en plein tumulte avec les luttes pour la réappropriation des terres qui appartenaient aux grands propriétaires ou alors à l'État ou qui n'étaient pas cultivées. Mais, par exemple, la composition de ces luttes n'était pas forcément que communiste, mais au contraire, il y avait, par exemple, aussi des fascistes qui participaient. Par exemple, dans un des massacres les plus connus d'un village en Calabre qui s'appelle Mélissa, mort en Francesco Nigro, qui était un fasciste et qui était un adhérent au nouveau parti fasciste, le Mouvement Social Italien. Et voilà, on a des choses qui caractérisent l'après-guerre en Italie. Dire que déjà en 1946, donc comme on disait, l'Italie avant la guerre était encore une monarchie constitutionnelle. En 1946, un référendum établit que l'Italie ne sera plus une monarchie, une république. Pourtant, avec des votes qui ne sont pas forcément très très, 12 millions de votes pour la république et 10 millions pour la monarchie. Et dans cette nouvelle Italie républicaine, il y a immédiatement aussi un nouveau parti fasciste qui est fondé. Et donc en 1946, naît le Mouvement Social Italien, qui en gros récolte les gens qui avaient participé à la République des Salons. Donc, comme on avait déjà dit, les fascistes, pas seulement ils ne sont pas épurés, mais ils progressent aussi dans leur carrière. Et on a déjà dit, je pense que la plupart des préfets étaient les mêmes que dans l'époque fasciste. Et en outre aussi, pas que les fascistes ne sont pas punis, mais même pas les crimes de guerre que l'Italie avait perpétrés, notamment en Afrique et en Yougoslavie. Or, dans tous ces scénarios qui pouvaient être disons, prêts à déchaîner une autre guerre, quelles sont les forces qui ont empêché que ça se vérifie? Eh bien, en première ligne, le Parti communiste italien, donc, grâce notamment à Palmiro Togliatti, son secrétaire. Mais peut-être on va couper en écoutant une autre chanson, ou vous voulez m'interrompre, comme ça, pour changer un peu de... Essayez, allô, vu que c'est une chanson qu'on aime, on aime bien tous. On est encore là. Tu disais? Ton micro était coupé. Non, okay, on peut écouter, on peut bien écouter la chanson que tu nous avais suggérée. Et puis on peut continuer avec on peut écouter la balade de l'ex. Comme ça, après, on va la commenter. Et puis on va continuer. Allez, et ben, c'est parti du coup avec la balade de l'ex de Sergio Endrigo. Andava per i boschi con due mitre e tre bombe a mano. La notte solo il vento gli faceva compagnia. Laggiù nella vallata è già pronta l'imboscata. Nell'alba senza sole eccoci qua. Qualcuno il conto oggi pagherà. Andava per i boschi con due mitre e tre bombe a mano. Il mondo un mondo cane, ma stavolta cambierà. Tra poco finiranno i giorni neri di paura. Un mondo tutto nuovo sorgerà. Per tutti l'uguaglianza e la libertà. Per tutti l'uguaglianza e la libertà. Soli cinque anni questa guerra è già finita, è libera l'Italia, l'oppressore non c'è più. Si canta per i campi dove il grano ride al sole, la gente è ritornata giù in città. Ci sono nell'aria grandi novità. E scese dai suoi monti per i boschi fino al piano, passava tra la gente che applaudiva gli alleati, andava a consegnare mitra, barba e bombe a mano, ormai l'artiglieria non serve più, un mondo tutto nuovo sorgerà. Per tutti l'uguaglianza e la libertà. Torna al suo paese che è rimasto sempre quello, con qualche casa in meno ed un campanile in più. C'è il vecchio maresciallo che lo vuole interrogare, così per niente per formalità. Mi chiamano Danilo e sono qua. E vogliono sapere perché, come, quando e dove, soltanto per vedere se ha diritto alla pensione. Gli chiedono per caso com'è andata quella sera che son partiti il conte e il podestà, e chi li ha fatti fuori non si sa. E chi li ha fatti fuori non si sa. Poi galantuomo, io son figlio di nessuno. Vent'anni son passati e il nemico è sempre là. Ma i tuoi compagni ormai non ci son più. Son tutti al ministero all'aldilà. Ci fosse un cane a ricordare che andavi per i boschi con due mitre e tre bombe a mano. Un mondo tutto nuovo sorgerà, per tutti l'uguaglianza e la libertà, per tutti l'uguaglianza e la libertà. On est de retour avec les années 40. Oui. Alors, vous avez entendu cette chanson qui, dans la musique, est en espèce de, un peu en marche de guerre. En fait, sa particularité, c'est qu'elle parle de la résistance dans des termes qui ne sont pas du tout... qui en font pas du tout en sorte de... des consécrations, mais au contraire, c'est très ironique. Et notamment, il y a eu aussi des vers qui ont été censurés pour le moment. Vers la fin, il dit « Célestin est un gentilhomme, moi je suis un fils de personne ». Et je pense que ça, c'est assez exemplaire du sentiment qui pouvait être celui de la résistance trahie, c'est-à-dire d'un passé où on s'est complètement engagé pour toute notre vie et que d'un jour à l'autre, quand on pensait d'avoir gagné, on se retrouve d'être du côté de ceux qui ont perdu, des perdants. Et donc il dit, s'il était un gentilhomme, moi je suis fils de personne, 20 ans sont passés et l'ennemi est encore là. Donc voilà, et c'est vrai, il a été aussi censuré. Mais donc, on était à voir comment est-ce que Palmiro Togliatti et le Parti communiste italien ont été vraiment les protagonistes de la pacification et de ce qui ont appelé l'idéologie de la reconstruction en Italie. Et en fait, on peut voir après. Les référendums pour la République et la réformation d'un nouveau parti fasciste pour comprendre à quel point encore les eaux étaient agitées. En 1948, un attentat est perpétré envers Palmiro Togliatti, leader du Parti communiste. Et dans ce moment, il y a des milliards et des milliards de personnes qui seraient prêtes à se remettre en guerre. Mais c'est là que Palmiro Togliatti invite tout le monde au calme et tranquillise la situation. Donc en fait, Togliatti a été quelqu'un qui a vraiment construit sa fortune politique et son intelligence politique aussi sur un culte de la personnalité, quelque chose qui normalement n'est pas... ne devrait pas être très de gauche. Mais donc, Togliatti, c'est aussi celui qui, malgré lui, a donné le nom à l'amnistie, donc qui avait été tellement pendant beaucoup de temps attendu, même si, bien sûr, il n'aurait pas voulu que l'amnistie ait son nom. Même si une bonne partie a été écrite directement par lui. Et donc, disons, si ça, d'un côté, c'était la politique publique de Togliatti et du Parti communiste, de l'autre côté, il y avait, disons, le visage un peu plus caché de sa politique. qui était par exemple de celui que, qui a emmené le Parti communiste à aider toute une série de partisans à s'échapper, en fait, à être obligé à être exilé, par exemple vers Prague, et notamment les partisans qui faisaient partie d'une formation qui était un des phénomènes que, disons, mieux exprime ce qui était le sentiment de la résistance faillie et la frustration pour la transformation manquée de l'Italie dans un pays plus égalitaire et aussi pour la manquée épuration des fascistes. Et c'était une formation qui s'appelait la Volante Rossa et qui c'était une formation armée qui, après la fin de la guerre, dont le chef, les leaders s'appelaient Giulio Pardo, et qui avait son siège à Milan, dans un ex-casa del fascio, la maison du fascisme, après transformée en maison du peuple. Là, il avait son siège, et qui a continué après la guerre à aller chercher, repérer les fascistes pour les tuer, pour les enlever et pour les tuer. Alors, bien sûr, ça ne collait pas avec l'idéologie de la reconstruction, mais Togliatti, de manière très intelligente, à lieu de les criminaliser publiquement, il les aide à expatrier notamment vers Prague. Et du coup, peut-être ce qui est intéressant à rajouter là-dessus, c'est la temporalité dans laquelle cette chose se fait. Parce que donc, ce groupe, la Volante Rossa... Ah, quelqu'un m'appelle. Bon, j'essaie de répondre. Allez, ouais, voilà. Je vais répondre au deuxième téléphone. Allez. Si vous voulez, on continue à parler en attendant. Ah. On a arrêté de m'appeler. Du coup, je continue à dire ce que je disais. Donc, la Volante Rossa, ce qui voulait dire la patrouille rouge, hein, en gros... ce qui est intéressant, c'est qu'elle descend des GAP, qui étaient les groupes d'action patriotique, oui, des groupes de lutte partisane à partir de 1943, qui luttaient contre le fascisme pendant que le fascisme était encore présent. Et donc ces gens-là, c'est des gens qui avaient déjà une pratique armée pendant la libération. Et donc la libération, elle s'est faite à la fois par l'arrivée des forces alliées, mais aussi en très grande mesure par les gens qui ont combattu directement sur le terrain, que ce soit dans les montagnes au nord, que ce soit dans les villes à Naples ou dans le sud... et bref. Et du coup, le Parti communiste, comme on l'a dit, faisait partie de ces brigades partisanes. Et donc, après, a essayé de participer au nouveau gouvernement de réconciliation. Vu que tout le monde devait être gentil les uns avec les autres, ils ont dit on va être gentil aussi. Et donc, on va y participer. Ils ont participé au processus de constitution, d'écriture de la constitution et tout ça, qui du coup se fait en 1946-1947. Elle est ratifiée en 1947. Et le Parti communiste se fait dégager tout de suite du gouvernement d'unification. En 1947. Et c'est à partir de là que, du coup, la Volante Rossa commence aussi à vivre. Quand il y a à la fois le Parti communiste et, du coup, les derniers espoirs éventuels que cette libération puisse aller au-delà d'un simple retour dans le capitalisme tel qu'il était dans sa phase de libéralisation. Et que, du coup, les gens qui croyaient qu'il y a une vraie révolution après la libération, que ça n'allait pas s'arrêter juste à la libération. Et que, du coup, cet espoir-là tombe quand le Parti communiste se fait évincer du gouvernement. Et qu'en plus, ce même Parti communiste appelle à poser les armes, à dire « Non, c'est cool, on est gentil. » Et bien, il y a des gens qui disent « Non, on ne va pas pardonner aux fascistes du tout. » Et là, c'est la Volante Rossa. Voilà, c'est juste pour ajouter un peu, expliquer comment est-ce qu'elle arrive, cette Volante Rossa, si tu veux continuer. Oui, oui. Après, je ne sais pas si on l'a dit, mais un autre élément qui faisait partie de la propagande, de l'idéologie, de la reconstruction, menée par Togliatti et le Parti communiste, c'était bien sûr... rappeler la crainte qui faisait les choses qui s'est passées dans d'autres pays autour de l'Italie dans ces mêmes moments, notamment en Grèce, où la résistance avait continué en termes de guerre civile, et où ensuite cette guerre civile avait été réprimée dans les sens. Donc ça, c'était un des points rhétoriques qui revenait le plus souvent dans les discours publics de Togliatti, c'est-à-dire il ne faut pas que et les paquets de Togliatti d'ailleurs de la part de tous les membres de l'art constitutionnel, c'était, il ne faut pas que ça va aller comme en Grèce, vous avez vu, on va faire un bain de sang, donc c'est bien là de déposer les armes, de rester tranquille, de reconstruire le pays, même si en fait on vit dans la merde, et on est dans des conditions qui sont presque pires que celles d'avant. Oui, voilà, je voulais ajouter sur la Grèce, ben, c'est le seul pays, en fait, où en Europe, on continue à combattre de manière ouverte, entre 46 et 49. Donc voilà, c'est en fait pratiquement le seul pays où le Parti communiste refuse la division en bloc qui a été décidée au-delà, dans les grands... parmi les grands de la scène internationale, donc principalement à Yalta, mais aussi dans des conférences. Et donc, et ceci porte après à une guerre civile très longue, très cruente, de 3 ans. Et c'est vraiment ce scénario, on sent dans les déclarations, dans les choix politiques du Parti communiste et en première personne de Togliatti, qui est à tous les prix évité. L'idée, c'est vraiment le premier objectif, c'est d'éviter une guerre civile. Ce qui comporte après, voilà, toute une série de renonces et toute une série d'actions de compromis finalement avec la démocratie chrétienne et avec les autres partis, voilà que tu disais avant. Donc c'est intéressant de voir qu'en fait tout ça se passe pendant qu'il y a une guerre en Grèce qui finira dans l'octobre 49. Donc ça c'était important, je pense, de le rappeler. Voilà, ça c'est un peu ce qui se passait en Grèce. C'est intéressant aussi de voir au niveau international ce qui se passait, parce qu'en fait, si d'un côté la Grèce peut représenter une anomalie au niveau de la division en bloc qu'on a, on voit bien que ce n'était pas tout à fait une anomalie, parce que ça rentrait aussi dans un cadre d'une suite de la libération du pays, quoi. Et du coup, on va rappeler un peu ce qui se passait pour ce qu'on appelle la transition démocratique en Europe après la guerre. On sentait au niveau économique, justement, les pays, les alliés, ils avaient besoin d'une pacification sociale pour, après une nécessité évidente de repousser l'économie. Et du coup, une renaissance de l'économie n'était pas possible s'il y avait des conflits internes parmi les pays ou des guerres civiles dans les pays concernés. Déjà, au début de la guerre, on avait eu des accords entre les membres des alliés sur une redéfinition géopolitique de ce qu'aurait été l'Europe après la guerre en cas de victoire. Du coup, déjà, on avait eu des conflits entre l'axe communiste et l'axe américain, capitaliste d'Américain. Du coup, les Américains, ils poussaient déjà pour une politique capitaliste et des démocraties parlementaires libéristes, bien sûr, notamment Churchill, Roosevelt, et de l'autre côté, Staline, qui était plutôt pour une politique de communisme. Et ça va se développer après, à la fin de la guerre, quand il y a les premiers rencontres pour la définition des zones d'influence en Europe. Et bien sûr, après la guerre, il y a eu le procès de Nuremberg qui a donné l'intention à... peut-être on va... Est-ce que les années 40 ont quelque chose à nous dire avant de revenir au monde réel ou... Allô, allô ? Oui, allô. Ouais, est-ce que là, je crois que du coup, les années 40, c'est bientôt terminé en ce qui te concerne ? Moi, je ne sais pas si vous êtes d'accord ou si vous avez prévu autre chose, mais je pense que pour couper un peu avec un peu de légèreté, on pourrait écouter en chanson Alino Gaetano, Aïda, qui est vous êtes d'accord déjà? Oui, on est d'accord. D'accord. Et qui est une jolie chanson où, à travers les yeux d'une femme qui s'appelle Aïda, on raconte 20 années, 30 années d'histoire italienne. Et donc, on passe à travers les fascismes, à travers l'après-guerre aussi. Et Je veux rappeler que en fait, ce chanteur, Rino Gaetano, pour qui ne le connaissait pas, est un chanteur qui, dans ces dernières années, les néofascistes, parce que donc, peut-être un jour on fera une émission sur ça aussi, mais ça continue, bien sûr, de manière très, très puissante, d'éteindre le néofascisme. Ils ont essayé de s'approprier de ces chanteurs en organisant des choses, notamment les fascistes de la formation de Casa Pound. En faisant des affiches avec son visage et tout ça, mais en fait, ce chanteur, il avait absolument rien à voir avec le fascisme, au contraire. Et il y a un passage que cette... Casa Pound, c'est un mouvement néofasciste actuel. Juste oui, pour les gens qui nous écoutent et qui ne savent pas forcément ce que c'est. C'est pas clair. Qui n'a rien à voir avec Casa Pound, même si eux, ils aimeraient bien. Ah, non. Mais c'était pas clair que c'était un mouvement néofasciste, pas. Ah, peut-être que c'est juste moi qui n'étais pas attentif. Ah, ok. Bon. Bah, en tout cas, dans cette chanson, il y a un vers qui, au bout d'un moment, il dit parle de retour dans un pays divisé. On ne t'entend pas. On t'entend très loin. Là, c'est bon. Ok. Tu parles d'un retour dans un pays divisé. Jamais plus noir dans les visages, mais beaucoup plus rouge d'amour. Et donc voilà, bah, ça c'est sa définition de l'après-guerre. On peut l'écouter. Ok, et eh ben sur ces belles paroles, on dit au revoir aux années 40. Oui. Ok. Et non, ben, merci. On se dit à très bientôt. À bientôt pour une nouvelle époque et tu nous raconteras comment c'était les décennies passées. Oui, bien sûr. Bon courage. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao. Et donc, on part sur la chanson Aida de Rino Gaetano. E poi 30 anni di safari, fra antilopi e giaguari, sciacalli e la pelle. Aida, come sei bella. Elle sait tout ce qui s'est passé pendant la guerre. Et malgré cela, ou plutôt précisément pour cette raison, son cas est tragique. Il y a en effet en Allemagne un nombre non négligeable d'antinazis sincères qui sont plus déçus, plus apatrides et plus vaincus que les sympathisants nazis ne l'ont jamais été. Déçus parce que la libération n'a pas été aussi complète qu'ils se l'étaient imaginé. Apatrides parce qu'ils ne veulent se solidariser ni avec les mécontentements allemands, dans la composition duquel ils croient reconnaître un peu trop de nazisme camouflé, ni avec la politique alliée, dont ils contemplent avec consternation l'indulgence envers les anciens nazis. Et enfin, vaincus, parce que, d'un côté, ils se demandent si, en tant qu'Allemands, ils peuvent avoir une part quelconque à la victoire finale des alliés, et de l'autre, s'ils ne sont pas absolument persuadés qu'en tant qu'antinazis, ils n'ont pas une part de responsabilité dans la défaite allemande. Ils se sont condamnés à une passivité totale, parce que l'activité impliquait la collaboration avec des individus douteux qu'ils ont appris à haïr pendant 12 années d'oppression. Ces gens-là sont les plus belles ruines de l'Allemagne, mais pour l'instant, elles sont aussi inhabitables que toutes ces maisons démolies. Voilà, ça c'était un peu les sentiments qu'on avait en Allemagne. C'est un extrait d'un livre de Stieg Dagerman qui s'appelle « Automne allemand ». Du coup, Stieg Dagerman, c'est un écrivain suédois anarchiste qui est passé visiter l'Allemagne en 1946, du coup, juste après la fin de la guerre, et qui a recueilli un peu les sentiments de la population allemande dont on a lu un extrait juste maintenant. Voilà, ça rend très bien un peu les sentiments des Allemands après la guerre, en fait, qui se sont, en même temps, ils sont l'échec, la défaite de leur pays, mais aussi, en même temps, ils ne se sont ni attachés au régime fasciste, ni ils veulent rentrer dans les projets capitalistes des pays de l'Est. Et du coup, ils se sentent un peu comme des gamins sans famille, un peu. Et on retourne vite fait sur un peu un contexte, un peu contextualiser un peu la fin de la Seconde Guerre mondiale pour comprendre un peu. Il faut déjà expliquer comment elle a été libérée, l'Italie, après la guerre. Parce que, voilà, l'opinion commune, c'est plutôt que l'Italie elle a été libérée par les Américains. Mais en fait, on va voir que ça n'a pas du tout été le cas. Déjà, il faut faire une distinction très nette entre l'Italie du Sud et l'Italie du Nord. Du coup, on rappelle que les Américains, ils ont débarqué en Italie à partir de l'Italie du Sud. Mais la plupart des villages, la plupart des villes où ils sont arrivés, les Américains, ils avaient déjà été libérés, surtout dans le Sud. Il n'y a pas eu un vrai conflit, en fait, parce que la plupart des villes ont été libérées déjà par les partisans et par les, notamment à Naples, on va rappeler les quatre journées de Naples du 27 au 30 septembre 1943, et les peuples qui attaquaient en fait les nazis qui occupaient la ville, ils ont libéré eux-mêmes la ville de Naples. Du coup, les alliés, une fois arrivés dans la ville, ils ont dû et ils avaient qu'à garder les contrôles de la ville. Et la même chose s'est passée un peu dans tout le reste du Sud, où il n'y a pas eu une vraie guerre de libération, mais la guerre elle a été menée avant l'arrivée des Américains par les partisans. Et c'est la même chose qui s'est passée dans le nord, sauf que dans le nord, il y a eu une intensification du conflit parce que la libération n'a pas continué tout de suite. Du coup, ils se sont arrêtés, les Américains, dans le sud. Et du coup, les nazis, ils ont intensifié les bombardements dans le nord d'Italie. Du coup, la plupart des villes du nord d'Italie ont été détruites. Et du coup, les partisans du nord, ils ont eu plus de difficultés à rentrer dans les villages et à libérer leur propre village. Du coup, ça, on pourra citer aussi l'expérience du nord d'Italie avec les racontes directes de Vitaliano Ravagli qui a raconté un peu ce qui passait autour de Bologne en Italie après la guerre. Et la difficulté aussi des partisans d'avoir un contact continu avec les alliés, les Américains. Et les temps qu'ils ont dû attendre pour que les Américains arrivent en fait, à libérer, ils ont dû passer tout l'hiver en attente, dans l'attente de l'arrivée des Américains. Et du coup, ils se sont débrouillés eux-mêmes pour garder les contrôles des sommets des montagnes. Parce que la guerre, on va rappeler que ce n'était pas une guerre qui s'est menée dans les villes, c'était plutôt où la libération s'est conduite plutôt dans les montagnes, en fait, dans les maquis. Et ça concernait plutôt l'Italie du Nord. Et ça va aussi rentrer dans les cadres du contexte européen, parce que si les Américains, ils voulaient rentrer en Italie, c'était pas tout à fait juste pour libérer l'Italie, avec un espoir... C'était plutôt un espoir de contrôle de certains pays. Du coup, ils ont mené la libération, ils ont conduit la libération de l'Europe sur plusieurs fronts, parce qu'au final, c'était plutôt une course pour arriver avant tout le monde à libérer les villes les plus importantes, parce que de l'autre côté, il y avait la Russie qui voulait arriver à Berlin. Et du coup, là, c'était un peu une course vers Berlin, celle qu'ils ont fait. Déjà, on avait dit que Roosevelt et Staline, ils étaient déjà en conflit un peu pour les zones d'intérêt en Europe. Et ça, on peut voir aussi ce qui s'est passé après dans la division de l'Allemagne et surtout de la ville de Berlin, en zone d'influence, entre la zone d'influence française, anglaise, américaine et de la Russie. Mais avant, on va rappeler aussi le procès de Nuremberg et tous les buts un peu démocratiques qui voulaient donner les alliés. L'esprit, ce n'était pas celui de condamner les pays qui avaient perdu la guerre, comme c'est le cas après la Première Guerre mondiale. En fait, dans la Seconde Guerre mondiale, on a plutôt un esprit de pacification et de libre détermination de chaque pays sur son gouvernement. Ce qui n'a pas été exactement le cas. Par exemple, on voit déjà après la fin de la Seconde Guerre mondiale, les Américains commencent à proposer des aides économiques aux pays de l'Europe, l'Italie en premier, mais même l'Allemagne et la France. En Italie, il y a un gros débat aussi sur l'acceptation ou pas des aides américaines, parce que les risques, c'était un peu de devenir... d'avoir une assujettation du pays envers les Américains. Tous les pays tous les pays de l'Europe de l'Ouest acceptent les aides américaines, sauf la Russie et tous les pays communistes, parce que l'URSS de l'époque, elle commence à développer un propre réseau avec les pactes de Varsovie au niveau militaire. Ils commencent à s'organiser, les deux blocs différents, ils commencent à s'organiser séparément. Du coup, il y a des accords militaires entre les pays de l'URSS avec les plans de Varsovie. De Varsovie qui étaient des accords, des aides militaires entre les pays communistes. Et de l'autre côté, la NATO qui était un accord de protection en cas de guerre. La NATO qui existe toujours. L'OTAN. Et l'URSS, c'est l'URSS, même. Ouais, c'est ouais. Parce qu'on a le vilain défaut de prononcer toutes les lettres, des fois en français et des fois pas du tout. Merci. C'est vraiment une langue à la con. Et Et voilà, et du coup, c'est de ces années-là aussi la déclaration des droits des hommes pour donner un peu l'impression et d'une pacification et d'un esprit de liberté de chaque pays, des décisions de chaque pays envers sa politique. Du coup, on était aux accords militaires, il y a des accords économiques aussi, voilà, notamment le plan Marshall pour ce qui concerne les pays occidentaux. Et pour ce qui regarde les pays communistes, les Comecon, qui a un accord de production, de délocalisation de la production dans chaque pays et d'échanges de matières primes parmi les différents pays. Et dans ce cadre-là, en fait, une anomalie est représentée notamment par la Yougoslavie, parce que Tito, il veut pas trop... devenir un pays communiste comme les autres. Du coup, il se met en chef les mouvements des pays non alignés qui existent toujours. Il faut rappeler que ça existe toujours. Lui, le premier chef de ces pays-là. Après, il sera suivi aussi par, je pense, Fidel Castro, sera le nouveau chef des mouvements des pays non alignés. Et du coup... On va parler peut-être... On peut zoomer un peu sur la situation italienne et puis quand tu veux, tu me coupes avec une chanson. Bah, là, en fait, je pensais rebondir un peu sur ce que tu disais, sur du coup, l'importance géopolitique qu'il peut y avoir et économique qu'il peut y avoir dans la libération. Et du coup, pour parler justement du processus de transition démocratique et tout ça qu'il y a eu du coup, en Italie, en Allemagne, on l'a vu un peu avec les procès de Nuremberg. Et là encore, il y a un certain nombre... de nazis qui en fait ont été destitués, mais qui, comme c'est eux qui avaient les thunes, en fait sont revenus. Et après, du coup, on peut aussi parler de l'Espagne franquiste qui était aussi un régime fasciste. Du coup, on peut se dire que si vraiment les libérations, ou en tout cas les alliés, avaient voulu mener une guerre contre les méchants fascistes pas gentils, ils seraient aussi allés en Espagne. Mais Franco, comme on le sait, est mort bien tranquillement dans son lit en 1975. Et là encore, on a vu. Le même processus de transition démocratique assez foireux qui se passait, dans le sens où là aussi il y avait des groupes armés qui combattaient en Espagne. Et du coup, les derniers groupes de résistants, ils ont été éradiqués à la fin des années 50, début des années 60. Et donc l'Espagne n'a pas été envahie parce que, tout bêtement, les USA avaient des intérêts économiques dans le fait de garder cette enclave-là par rapport à leur propre lien en Amérique latine et leur lien en dictature avec les dictatures d'Amérique latine. Et donc, pour reparler du processus de transition démocratique en Espagne, donc en 73, décembre 73, il y a Carrero Blanco, qui est en gros le chef des armées et qui était supposé être le successeur de Franco, qui se fait plastiquer sa voiture par ETA. Et donc Carrero Franco, l'héritier de Franco, meurt. Et c'est en grande partie de ce fait-là que le régime franquiste a pas pu perdurer après Franco en tant que tel. Même si on parle d'une période de franquisme après Franco, entre 75 et 77. Tout bêtement parce que c'est le moment de l'élaboration des nouvelles constitutions, des nouvelles lois et tout ça. Mais qui est-ce qui élabore ces nouvelles lois? Et comme en Italie, comme en Allemagne. C'est les juges, c'est les hommes de loi, c'est les magistrats qui ont été créés sous le franquisme, comme ceux qui avaient été créés sous le fascisme, comme ceux qui avaient été créés sous le nazisme, qui commencent par se voter une amnistie, évidemment. Et il fallait, quoi. Et qui, du coup, ça, c'est, on parle des années 75, et là, on pourrait en dire beaucoup hein, de l'Espagne, mais on n'a plus beaucoup de temps, du coup, juste pour dire que c'est exactement la même chose qui s'est passée. Toute la nouvelle constitution démocratique et tout ça de 78, du coup, finalement, c'est les anciens franquistes qui l'ont établi. Et plus récemment, on peut parler du Chili. Du coup, là, pour le coup, c'est un truc qui est très important aussi pour comprendre l'histoire italienne, parce que donc, en 71, il y a Salvador Allende qui vient du MIR, un mouvement de gauche révolutionnaire, qui accède au pouvoir par les urnes et qui va être renversé par le général Pinochet, aidé par la CIA et les compagnies économiques, genre la United Fruit, qui ont des intérêts économiques dans toute l'Amérique latine. Et donc Allende est renversé. La junte militaire de Pinochet d'extrême droite arrive au pouvoir et il restera jusqu'en 1990. Et c'est notamment la chute de Pinochet, la chute d'Allende, qui en 73 va faire dire au Parti communiste italien et au Parti communiste plus généralement dans le monde, où la merde, même par la voie des urnes, on n'a plus aucune chance d'accéder au pouvoir. Et du coup, c'est là qu'ils vont commencer à se compromettre encore plus, à se séparer encore plus des mouvements radicaux qu'il y avait dans les années 70. Mais ça, on en parlera plus tard. Tout bêtement pour dire qu'au Chili, il y a eu la même chose. Pour au Chili, il y a eu la même chose encore une fois. Et il y avait des groupes de lutte armée, du coup, un notamment qui s'appelait le FPMR, le Front Patriotique Manuel Rodriguez, qui ont essayé d'assassiner Pinochet en 86. Et donc, eux ont été. La plupart d'entre eux ont été obligés de s'exiler et sont encore poursuivis aujourd'hui par la démocratie. Pas par Pinochet, par la démocratie. Parce que, comme on le disait, c'est les gens de Pinochet, comme c'était les gens de Franco, comme c'était les gens de Mussolini, comme c'était les gens de Hitler, qui ont fait les lois au moment du retour à la démocratie et à la République. Et du coup, peut-être qu'on peut passer une petite chanson pour couper un peu tout ça. Je proposais de passer une chanson emblématique justement des luttes antifascistes, à savoir l'Estaca de Luis Llach, qui est en catalan et qui parle de l'Espagne. La visiteta em parlava de bon matí al portal mentre el sol esperaven i els carros veien passar. Siset, que no veus l'estaca on estem tots lligats, si no podem desfensar, mai no podrem caminar. Si estirem tots, ella caurà i molt de temps no pot durar. Segur que tomba, tomba, tomba, ben curta. Cada deu ser ja, si tu l'estires fort per aquí i jo l'estiro fort per allà, segur que tomba, tomba, tomba i ens podrem alliberar. Però si et fa molt temps ja, les mans se'm van escorxar i quan la força se me'n va, ella és més ampla i més gran. Ben cert sé que està podrida, però és que si et costa tant que cops la força m'oblida, torna teu cor. Si estirem tots, ella caurà i molt de temps no pot durar. Segur que tomba, tomba, tomba ben curt, cada deu ser ja, si tu l'estires fort per aquí i jo l'estiro fort per allà. Segur que tomba, tomba, tomba i ens podrem alliberar. La Bicisset ja no diu res, mal vent que se'l van portar. Et qui sap cap a quin indret i jo a sota el portal. I quan passen els nous bailets estiro el coll per cantar el darrer cant d'en Siset, lo darrer que em va ensenyar. Si estirem tots, ella caurà i molt de temps no pot durar. Segur que tomba, tomba, tomba si tu l'estimes, l'esport per aquí, i jo l'estiro fort per allà, segur que tomba, tomba, tomba, i ens podrem alliberar. Voilà, c'était une chanson de Louis Liac qui espérait que le fascisme allait tomber. On l'espère aussi, même si on ne peut pas vraiment dire que ça soit effectivement le cas. Alors, bah, tu nous as fait une belle introduction sur ce qu'est la transition. Voyons là, on voulait un peu zoomer, parce que c'est une émission qui voulait traiter quand même de ce qui se passe en Italie. Donc, qu'est-ce qui se passe en 1947-1948 ? Et c'est un moment de tournure très intéressant. En fait, à la fin de 1947, on voit le Premier ministre, qui est un démocrate chrétien, Alcide De Gasperi, qui vole à Washington. Et le président américain, en fait, lui demande, il y a une condition pour que les aides du plan Marshall, donc des millions et des millions de dollars qui servent à reconstruire une économie qui a été, un pays qui a été très largement dévasté de la guerre, et ben, il y a une condition pour que cet argent arrive, c'est que le Parti communiste soit... sorte du gouvernement d'Union nationale qui avait géré jusque-là le pays. Et donc, c'est ce qui va se passer. Là, et là, on est en 47. Et ce qui est aussi intéressant, c'est voir qu'est-ce qui va se passer tout de suite après, en 48. Pendant qu'il y a déjà une assemblée constituante qui est en train d'élaborer la Constitution, où il y a des communistes, où il y a des socialistes, où il y a des démocrates chrétiens, il y a des libéraux, c'est une assemblée assez vaste, assez représentative, et ben, il y aura des élections très dures dans les tons, avec des tons presque de croisade de la part du Vatican, qui prend clairement les parts de la démocratie chrétienne. Où finalement, ce qui se passe, c'est voir en 28 et le 29 avril 48, qu'est-ce qui va se passer en Italie. Il y a une très large victoire de la démocratie chrétienne qui obtient le 48% des suffrages contre le 30% des socialistes et des communistes unis dans le Front populaire. Et ce qui est intéressant, c'est voir quel est le commentaire de Toyart, qui est le secrétaire du Parti communiste. Il dit que finalement, c'est le meilleur résultat qu'on pouvait espérer. Et là, il y a toute la logique, toute la compréhension du fait de dépendre d'une division, division en bloc qui va bien au-delà des frontières nationales. Toyarty, c'est aussi intéressant, vous pouvez le trouver sur Google Maps, c'est aussi le nom d'une ville dans l'actuelle Russie. C'était vraiment, pratiquement, on pourrait dire, le bras droit de Staline. Il y avait un lien aussi personnel très très fort. Et il y a vraiment cette priorité, ne pas faire exploser une guerre civile, qui va se manifester encore quelques mois après. Là, on est le 14 juillet 1948. Toyarty, en sortant de la Chambre des députés, quelqu'un lui tient dessus. Et il aura trois coups, donc il va rester entre la vie et la mort pendant quelques jours. Et là, c'est intéressant, on ne sait pas si... C'est des mots qu'il a vraiment prononcés ou c'est des mots que ses camarades, ses collègues de parti lui mettent dans la bouche, qu'il aurait dit avant de tomber dans le coma, ne perdez pas la tête. Parce que qu'est-ce qui se passe ? La nouvelle que Toyarty a été tué pratiquement porte à un début de révolution. Il y aura des usines occupées, des ports, des gares, des stations radiophoniques... un peu dans toute l'Italie. Entre le 14 et le 16 juillet, finalement, le bilan, il y aura une trentaine de morts, 800 blessés et 7000 arrestations. C'est en fait tous les partisans qui n'avaient pas complètement rendu les armes, il y en avait encore qui étaient prêtes à venir, à sortir dans les moments. Et cette information arrive en fait... c'est comme si pour beaucoup de partisans qui étaient complètement déçus par ce qu'avait fait le Parti communiste qui était au gouvernement en précédence, c'était comme si quand même l'attaque au secrétaire du Parti communiste, c'était le début de l'insurrection. Et donc il fallait prendre un choix. Et là, c'est très intéressant. Il y a un épisode qui se mêle aussi avec, avec la France, comme quoi Alcide De Gasperis, qui était le Premier ministre, appelle Gino Bartali, un coureur, au soir du 14 juillet, et pratiquement en lui implorant de gagner le Tour de France. Chose qui, après, lui, il va gagner trois étapes, et finalement, il va gagner le Tour de France. Et il y a une partie, disons, de la légende populaire qui raconte que la pacification de ce mois de juillet est aussi lié à la victoire de Gino Bartali au Tour de France de 1948. Ça, c'est une anecdote, je pense, intéressant, qui fait voir quel était aussi le niveau de tension, de conflit social et politique qui, finalement, n'explose pas. Allez, je laisse la parole. Eh ben, j'ai l'impression que cette pacification, effectivement, elle a lieu. Et c'est une théorie intéressante, celle des coureurs cyclistes, même si je ne suis pas sûr que ce soit la première ligne des conflits politiques. Et là, par exemple, donc après le passage à la République, à la démocratie, au nouveau monde libre et beau et où tout le monde est heureux, on a du coup la répression qui commence contre les partisans qui ont participé à la lutte armée en Italie. Et donc là, par exemple, on a quelqu'un qui s'appelle Belgrado Pedrini, qui était un anarchiste partisan dans la région de Carrare, qui nous raconte un peu comment ça s'est passé. Le 25 avril 1945, à la chute définitive du régime, une extrême allégresse s'était déchaînée dans toutes les formations de partisans, parmi ceux qui avaient d'abord pas mal supporté le fascisme et qui avaient ensuite risqué leur vie pendant des années sur les montagnes. L'euphorie de ceux qui avaient eu raison de l'ennemi. Certes, la révolte armée avait créé une situation résolument différente. Mais la nouvelle période ne nous apparaissait pas pour autant, à nous anarchistes, comme étant le paradis sur Terre. On peut dire qu'on était passé d'une situation monopartitaire, dictatoriale, à une autre, plus libérale, qui admettait plusieurs partis au gouvernement. On était passé d'une forme de capitalisme autarcique à une forme de capitalisme international. L'idéologie propagée par le nouveau régime, notamment par les partis, était décidément clericale, au sens le plus moyenâgeux du terme. J'ai été arrêté par les policiers de la République bourgeoise, née de la résistance, au cours d'un guet-apens en mai 1945 à La Spezia, où j'étais en train de débusquer les fascistes, que personne n'avait envie de dénicher. J'étais seul dans l'embuscade qui me fut tendue. Mes d'autres camarades furent faits prisonniers presque en même temps, et pour les mêmes raisons. On nous accusait d'avoir participé à la fusillade de 1942, au cours de laquelle un policier avait été tué. Notre procès se tend en 1949, 4 années après la fin de la guerre, pour la simple raison que la plupart des anciens partisans restèrent encore armés jusqu'en 1948, pensant, espérant, une prochaine révolution sociale. La magistrature bourgeoise vit juste et évita de faire des procès comme le mien dans ces moments trop chauds de la pré-résistance. La présence certaine au procès d'anciens partisans, chez qui l'esprit de résistance était encore vivace, aurait pu influer sur le jugement et les résultats de la procédure ouverte contre d'ex-partisans comme moi. Donc voilà, c'est juste un petit extrait de la vie de Belgrado Pedrini, qui a passé 25 ans en prison quand même, qui a été mis en prison, donc comme on l'a dit, par la République, pour les actions commises sous le fascisme. Et donc c'était pour bien un peu dire comment cette idéologie de la réconciliation, elle devait aussi, au-delà du phénomène unitaire et de la reconstitution de l'État, de la reconstitution d'un esprit national, on va dire, qui satisfasse tout le monde, elle devait aussi supprimer les gens qui avaient encore ces velléités révolutionnaires, les gens qui refusaient de lâcher les armes et qui refusaient de lâcher ce pourquoi ils avaient combattu. Et du coup, là, on aimerait bien lire aussi un autre extrait des Quaderni Piacentini. Et... Donc, le 25 avril de cette année, 1962, nous a pris par surprise. Ils nous l'ont rappelé, tu vois, les journaux bien pensants, la radio, la télévision, les drapeaux, les cortèges, les groupes de musique, les discours. Après 17 années de quarantaine, la résistance a été promue. On a estimé qu'elle était digne de toutes les guerres précédentes du peuple italien. 1848, 1859, 1866, 1911, 1915, 1935, 1940. Un bien beau résultat, il n'y a pas à dire, pour nos résistants touchés et incrédules face à tant de grâces. La résistance ne fait plus peur, elle est morte, et vive donc la résistance. Non, non, non. Nous ne voulons pas que les morts de la résistance soient honorés par des monuments dédiés aux tombés de toutes les guerres, inaugurés par des évêques, des préfets, des présidents des tribunaux, des commandants des districts, des commissaires, des intendants ou des sous-intendants. Plutôt les silences. Le sens de la résistance était révolution et renouvellement. Voilà, ça c'est un extrait qui donne bien l'exemple des un peu la renaissance de la résistance au bout des plus des 10 ans. Et pendant les premiers 10 ans après la Seconde Guerre mondiale, en fait, on voit que les anciens partisans qui avaient, on avait parlé tout à l'heure, mais les anciens partisans qui avaient combattu pendant la guerre, il y a eu pas mal de partisans qui se sont fait arrêter et qui ont été condamnés pour leur, en fait, pour des homicides ou des attentats qu'ils avaient fait juste après la fin de la guerre ou bien avant le début de la guerre. Et ils ont été traités au même niveau que les anciens fachos, du coup. Bah y a non, pas, mal... pas au même niveau, justement. Parce que eux, ils ont pas... les partisans ont passé 25 ans en prison, les fascistes ont été amnistiés. Ils n'ont pas été amnistiés, du coup, ils ont été obligés de fuir du pays. En fait, à l'époque, les partis communistes, au début, ils essayaient de les appuyer, ils n'empêchaient pas ces procès des suites de la libération d'Italie, des fachos qui étaient dans la rue, qui menaient la vie qu'ils menaient avant, pendant le fascisme. Et à un moment donné, les partis communistes s'éloignent un peu du profil violent, parce que justement, ils rentrent dans les institutions, ils acceptent le procès de démocratisation du pays. Et du coup, ces partisans, ils sont laissés tout seuls. En fait, ils sont obligés à s'enfuir. Déjà, il y a des militants du Parti communiste qui essaient individuellement d'aider les accusés au lieu de finir en prison, qui les aident à fuir en Italie. La plupart, ils sont envoyés directement par les partis communistes en Tchécoslovaquie. Et là où il y avait un parti communiste ami, en fait, et ils sont obligés à rester là-bas pendant plus de 20 ans parce que ils attendaient une amnistie. Au bout de quelques années, ils attendaient une amnistie pour pouvoir rentrer en Italie. Alors que cette amnistie, il n'y a jamais eu. Et du coup, ils ont continué leur vie et on peut bien voir que pendant ces années, il y avait aussi en Tchécoslovaquie, ça c'est un autre anecdote très sympa, que pendant les années justement après la Seconde Guerre mondiale, dans les émissions radiophoniques en Tchécoslovaquie, à un moment donné, il y avait presque la moitié des émissions qui étaient transmises directement en italien parce qu'il y avait plus de militants italiens en Tchécoslovaquie qui s'engageaient au niveau politique et qui voulaient quand même continuer leur activité politique même s'ils n'étaient pas dans leur pays et dans l'attente de rentrer. Et ces retours-là... Il y en a qui ne rentreront jamais. Oui, il y en a qui ne rentreront jamais, justement. Alors que les fascistes, ils ont été réintégrés au bout de quelques ans. On les revoit déjà à leur poste des chefs de police, des préfets, et juste quelques années après la Seconde Guerre mondiale. Et du coup, ça, c'est intéressant donc, de voir que c'est aussi pour quelque chose qu'on a déjà dit tout à l'heure au début, mais que c'est bien de rappeler maintenant, c'est que dès 1946, il y a le mouvement social italien, le Movimento Sociale Italiano donc qui est recréé et qui est en gros la recréation du parti fasciste. Et donc entre le mouvement d'éviction du parti communiste et des forces révolutionnaires qui ont voulu continuer à combattre dans l'espoir d'aller au-delà de la libération, et de l'autre côté la recréation du parti fasciste et les différences de répression, de traitement qu'il y a pu y avoir, tout bêtement parce que c'est juste la continuité de l'appareil d'État fasciste, de l'administration fasciste qui s'est continuée à travers la République dans tout le processus de reconstitutionnalisation, de républicanisation. Ces deux mouvements parallèles-là, ça forme ce qu'on appelle le processus de transition démocratique d'un régime totalitaire à un régime pseudo-républicain. Et c'est des choses qui sont intéressantes à dire parce que ça conditionne vraiment toutes les décennies de lutte qui viennent après, dont on parlera dans d'autres émissions. Oui, surtout, un gros élément de continuité est représenté par le code juridique. Le code, ce qui est, disons, l'équivalent du code napoléonien pour la France, il est écrit en 1933 par Gentile, et sa structure, avec quelques modifications, mais sa structure, elle survit encore aujourd'hui, et donc il y a toute une logique de fonctionnement du code juridique qui, on le verra dans les émissions à venir, dans la répression des luttes des années 60, 70, qu'on va voir dans les futures émissions, sera reprise. Et encore aujourd'hui, en fait, on voit cet élément qui, le fait de ne pas avoir réécrit un nouveau code civil, un nouveau code pénal, mais d'avoir repris le vieux et de l'avoir modifié, c'est un élément incontournable, à mon avis, pour après continuer dans l'analyse, dans la compréhension. On veut peut-être mettre une chanson ? Je ne sais pas si on a vraiment le temps de mettre une chanson. Ouais, il nous reste 5 petites minutes. Mais on voulait lire 2-3 trucs. Alors. Allez. Avevamo 20 anni oltre il ponte che è in mano nemica. Vedevamo l'altra riva, la vita, tutto il bene del mondo oltre il ponte. Tutto il male avevamo di fronte, tutto il bene avevamo nel cuore. A 20 anni la vita è oltre il ponte, oltre il fuoco comincia l'amore. Non è detto che fossimo santi, l'eroismo non è sovrumano. Corri, abbassati, dai, balza avanti, ogni passo che fai non è vano. Vedevamo a portata di mano, dietro il tronco, il cespuglio, il canneto, l'avvenire di un mondo più umano e più giusto, più libero e lieto. Avevamo 20 anni oltre il ponte che è mano nemica, vedevamo l'altra riva, la vita, tutto il bene del mondo oltre il ponte. Ormai tutti hanno famiglia, hanno figli, che non sanno la storia di ieri. Io son solo e passeggio tra i tigli, con te cara, che allora non c'eri. E vorrei che quei nostri pensieri, quelle nostre speranze d'allora, rivivessero in quel che tu speri, o ragazza color dell'aurora. Avevamo 20 anni oltre il ponte che in mano nemica, vedevamo l'altra riva, la vita, tutto il bene del mondo oltre il ponte. Donc c'était une poésie d'Italo Calvino qui s'appelle Oltre il ponte. Et pour terminer un peu, on peut lire un passage d'un livre qui s'appelle « Le Christ s'est arrêté à Eboli » de Carlo Levi. Carlo Levi, qui est un écrivain antifasciste qui a été mis en assignation en résidence dans les années 30, et dans le sud de l'Italie, par les fascistes. Et donc, lui dit ça. Entre l'étatisme fasciste, l'étatisme libéral, l'étatisme socialiste et toutes ces autres formes d'étatisme qui verraient le jour dans un pays petit bourgeois comme le nôtre, et l'anti-étatisme des paysans, il y aura toujours un abîme. La guerre actuelle et celles qui suivront sont en grande partie le produit de cet antagonisme séculaire parvenu maintenant à son point critique. Nous ne pouvons pas prévoir aujourd'hui quelles seront les formes politiques à venir, mais dans un pays de petite bourgeoisie comme l'Italie, où les idéologies petites bourgeoises sont parvenues à contaminer même les classes populaires des villes, il est malheureusement probable que les nouvelles institutions qui succéderont au fascisme, qu'elles soient le produit d'une évolution lente ou celui de la violence, et même si elles relèvent d'un mouvement extrémiste et apparemment révolutionnaire, seront amenés à revaloriser, sous une autre forme, les anciennes idéologies. On reconstituera un État aussi loin de la vie, aussi sacro-saint et abstrait que l'autre, et même davantage. Sous de nouveaux noms et de nouveaux drapeaux, on perpétuera, encore aggravé, l'éternel fascisme italien. La solution véritable nécessite le renouvellement radical. Ça faut dire que c'est écrit avant la libération, et c'est écrit en 43-44. Et ça exprime exactement ce qui s'est passé juste après. Et on commence à arriver à la fin de l'émission. Là, il nous reste 5 minutes. Justement, ça, ce qui concerne l'émission. Là, on aimerait bien faire un petit point par rapport à ce qui se passe maintenant. On fait une mise à jour par rapport à la situation à Toulouse, la ZAD de Testé. Et on a reçu l'appel pour un manif national, un rassemblement national à Toulouse. Pour ce week-end, il y a un petit track qui commence à circuler. Du coup, on aimerait bien les passer, les lire. Et on invite tout le monde à rejoindre Toulouse ce week-end pour la manif nationale pour notre camarade Rami. Pour l'abandon définitif du projet de barrage à Sivien. Pour la réappropriation de nos vies et de nos territoires. Pour la démilitarisation de l'espace public. Pour l'amnistie complète des inculpés des civils. Notre mouvement se renforce et se ne laisse plus diviser entre catégories aussi limitantes et grossières que bons ou mauvais, manifestants, non-violents ou jaillissent verts. Notre résistance fait écho en France et ailleurs, partout où nos vies n'ont plus de place dans la logique mortifère du système marchand. L'État est enfermé dans cette impasse et n'a pu proposer pour dialogue que mépris et répression. Ne nous laissons plus intimider par les forces de répression. Réapproprions-nous notre espace public. Nous sommes déterminés à en finir avec toutes les violences de l'État. Nous ne bougeons pas des civins. Nous défendons nos lieux de vie. Appel à Rassemblement National, Toulouse, place Jean Jaurès, samedi 8 novembre 2014 à 14h. Et il y a aussi un appel à Manif Nationale contre le Congrès National du Front National, contre le Congrès National du FN à Lyon le 29 novembre. Et là, on vous dit au revoir et au mois prochain, parce qu'on y doit 20 secondes. Bisous. Allez, au revoir. Ah, et à la prochaine fois, les premiers mercredis du mois, on se revoit. Du coup, la prochaine fois, ce sera le premier mercredi de décembre. Là, on ne sait pas trop la date, si quelqu'un peut nous dire, mais ce sera sûrement le premier mercredi de décembre, toujours à 16h30. Et on remercie les potes des Libres des Bars pour nous avoir hébergés.